Je n'ai aucune prétention quant à mes chansons. Je me sens juste bien en tant que musicien. Moi j'aime la vie et j'aime la ville. J'aime les gens, mais je n'admets pas de perte de temps, car il faut que j'avance. C'est une course contre la montre. Il faut que j'avance. C'est ma course contre la montre. Pas le temps d'abandonner, je n'ai que le temps qui m'est donné. C'est si peu pour se bâtir une vie. Pas le temps de pleurer ceux qui sont partis. Pas le temps de stagner dans le passé. Le malheur mieux vaut le laisser de côté. Tant pis pour ceux qui nous ont tourné le dos. Ça ne laisse des marques que sur nos peaux. Car il faut que j'avance. C'est une course contre la montre. Et il faut que j'avance. C'est ma course contre la montre. Il faut que j'avance. C'est une course contre la montre. Oui, il faut que j'avance. C'est ma course contre la montre.